Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le ministre de la Sécurité publique annonce un prochain redéploiement des unités de police. Alain-Guillaume Wignoni explique que les raisons de leur affectation ne sont plus valables, vous l'entendrez. Le dialogue inclusif reste la seule voie pour résoudre la crise burundaise. C'est la conviction du Sénared, dont les représentants ont rencontré le président Michel Kafando en sa qualité d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Ils lui ont demandé de convaincre le président Pierre Nkurunziza de s'engager dans la voie du dialogue inclusif. Et l'Organisation pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'OLCOM, indique que le secteur de passation des marchés publics au Burundi accuse plusieurs manquements. Gabriel Rufiri réagit après que la Banque mondiale ait confié au PNUD la gestion des fonds qui étaient destinés au ministère de la Santé publique pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Plaider pour l'implication des présidents des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est pour convaincre le président burundi à s'engager dans la voie du dialogue inclusif, c'est ce que le Sénared a demandé à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, Charles Nditije, président de cette plateforme politique de l'opposition essentiellement en exil, précise que dans une entrevue du 14 octobre courant qu'il a eue avec le président Michel Kafando, ils se sont mis d'accord que le dialogue inclusif reste la seule voie de sortie de la crise burundaise. On l'écoute. Il nous a fait part de son engagement ferme pour aider la sous-région, particulièrement la médiation, facilitation, pour que le processus de négociation inclusive puisse démarrer rapidement, parce qu'il estime à juste titre que c'est la seule voie qui va sauver le peuple burundais, qui va trouver une solution durable à la crise burundaise qui n'a que trop duré. Et nous avons apprécié son engagement et sa foi et nous croyons en la sincérité de ses propos. Malheureusement, en ce qui nous concerne, tout cela n'est pas suffisant pour nous rassurer, pour que nous puissions croire que demain ou après-demain, M. Nkurunziza va accepter de négocier avec la véritable opposition, parce que tout indique que M. Nkurunziza et les gens qui sont autour de lui n'entendent pas du tout entrer dans la logique des négociations inclusives. Au niveau du Sénared, vous dites que vous n'êtes pas satisfait malgré les efforts du président Kafando. Finalement, qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? Ce n'est pas une question de satisfaction par rapport à ce qu'il fait. Non, lui, il fait son travail correctement. Mais pour que les choses puissent bouger, il faut plus d'engagement, il faut plus de volontarisme, il faut plus de fermeté de la part de la sous-région. Normalement, si les chefs d'État de la sous-région, à l'occurrence c'est le président Museveni, le président Magufuli et les autres chefs d'État de l'East African Community, s'ils s'impliquaient fortement, si par exemple ils convoquaient un sommet extraordinaire sur le Burundi, exiger de M. Nkurunziza qu'il accepte de négocier sans condition, s'il n'y a pas plus de fermeté, il n'ira jamais à la table de négociation avec l'opposition. Vous vous êtes entretenu avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi en ce mois d'octobre, alors que c'est durant ce mois que la médiation avait annoncé que va se tenir un autre dialogue. Est-ce que vous auriez échangé sur ce rendez-vous qui n'est pas encore tenu? Ce n'est pas lui qui programme les sessions, il ne fait qu'appuyer, il ne fait qu'aider, conseiller. C'est encore une fois cela qui explique nos préoccupations, parce que les sommets vont de report en report sans qu'on sache pourquoi. Voilà pourquoi nous sommes très inquiets et nous interrogeons sur la volonté d'enclencher une vitesse supérieure pour que les véritables négociations puissent commencer avec le pouvoir de Bujumbura. Le professeur Charles Nditije, président du Sénared. Il s'observe une tendance à la recrudescence de la fraude des fertilisants dans les provinces du Nord et de l'Ouest du pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Wignoni, lors de la présentation ce mardi du bilan des réalisations de son ministère Durant le trimestre de l'année 2017, il demande aux administratifs à la base de ces provinces de prendre en main cette question. Dans le domaine de la corruption et de la fraude, donc, il y a eu des contrôles intensifs et des fouilles. Nous constatons qu'en collaboration avec l'administration, l'OBR et les autres forces de défense et de sécurité, la police a pu saisir plusieurs objets, plusieurs denrées, plus de 39 tonnes de café, environ 20 tonnes de minerais, incluant le coltan, le cassitérite, le nickel, et des pagnes fraudées, 3302 pagnes, 71 sacs d'engrais chimiques. Et là, nous constatons qu'il y a tendance à la recrudescence dans la fraude des fertilisants. Les dernières informations que nous avons nous renseignent qu'au niveau du nord du pays, il y a encore saisi de 123 sacs de fertilisants qui voulaient traverser la frontière vers la Tanzanie. Et vous savez que ces fertilisants sont subventionnés par le gouvernement et pour que les citoyens burundais puissent les avoir à bas prix. Et ça serait dommage que ces fertilisants aillent être utilisés dans d'autres pays au détriment des populations burundaises. Et une occasion pour nous d'interpeller encore une fois la population, l'administration locale et la police et les autres intervenants pour prévenir et lutter contre cette fraude de fertilisants. Le ministre Alain-Guillaume Wignoni indique également qu'il est prévu des activités de redéploiement des unités de police de ce ministère parce que les raisons de leur affectation ne sont plus valables. Il interpelle la population burundaise à ne pas être inquiétée par ces mouvements qui sont organisés dans le but de bien assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Suivez encore une fois Alain-Guillaume Wignoni, c'est le ministre de la Sécurité publique. Pour terminer, nous aimerions encore réaffirmer aux Burundais que pour ce quatrième trimestre, le ministère de la Sécurité publique compte poursuivre les activités de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et en finir avec la corruption au sein de la police nationale. Nous aimerions aussi informer la population burundaise qu'un programme de redéploiement des unités de police, de restructuration et de réorganisation est en cours. Il y a des policiers qui ont été affectés à des individus, à des lieux, à des endroits, pour des raisons d'ordre sécuritaire qui ne sont plus de mise peut-être aujourd'hui. Il y a une étude, une évaluation qui est en cours pour permettre une bonne restructuration, une bonne organisation des unités de police, l'entraînement des policiers, la formation en cours d'emploi des policiers pour un résultat meilleur. Et ces mouvements ne devraient inquiéter personne. C'est dans le cadre de la police de proximité pour que, effectivement, la sécurité soit assurée pour tous et par tous. Et cela nous demande un exercice de redéploiement, de restructuration qui nous permet d'arriver à ces résultats. Le ministre Alain-Guillaume Wignoni s'exprimait hier lors de la présentation du bilan des réalisations de son ministère au cours du trimestre de l'année du deuxième trimestre de l'année 2017. Et l'Organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'OLCOM, indique que le secteur de passation des marchés publics au Burundi accuse plusieurs manquements. Gabriel Rufyiri, président de la dite organisation, fait savoir que la Banque mondiale a confié au PNUD la gestion des fonds qui étaient destinés au ministère de la Santé publique et que cela témoigne de l'incapacité de son ministère à remplir correctement ses missions. Suivez Gabriel Rufyiri, président de l'OLCOM. L'OLCOM vient de sortir un communiqué suite à la lettre du Fonds mondial destiné à appuyer le Burundi dans la lutte contre certaines maladies dont le sida et la tuberculose. C'est une enveloppe très consistante, normalement, qui devait être absorbée chaque année. Mais dans la lettre que l'OLCOM a pu se procurer, il y a des accusations graves à l'endroit des autorités burundaises qui sont en charge de la gestion de ces fonds, plus particulièrement le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, ainsi que le comité de gestion de ces fonds, qui est en même état dirigé par son même ministre. Ces deux accusations, entre autres, sont d'abord l'attribution illégale des marchés sans suivre les principes du Fonds mondial, mais aussi la capacité d'absorption des fonds, d'autres points qu'à l'heure actuelle, il y a 30 millions de dollars qui n'ont pas été absorbés, et bien d'autres accusations qu'on trouve dans cette correspondance. Mais l'OLCOM n'a pas été surpris parce que cela rejoint un socle cero ricome non cesse pas d'occramer, trop effort, mais malheureusement sans être écouté. Ici, je voudrais rappeler que le budget général de l'État, qui est plus de 1200 milliards de nos francs, 70% de ces fonds sont destinés au marché public. Vous comprenez que si les marchés publics sont mal gérés, c'est tout le budget qui est mal géré. Voilà pourquoi des mesures importantes devraient être prises pour redresser la situation. Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM, l'Organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Le maire de la ville de Bujumbura tranquillise la population de cette municipalité que dans un proche avenir, les déchets ménagers entassés dans leur ménage vont être dégagés. C'est après que ce lundi, un communiqué du maire ait annoncé que différentes sociétés vont compléter la société Bisico qui avait gagné elle seule ce marché. Freddy Monima fait savoir que cette décentralisation a été opérée en bonne et due forme. On l'écoute. On avait donné une seule société pour pouvoir s'occuper de l'enlèvement des immondices et aussi d'intervenir dans certaines zones de salubrité, notamment dans les zones publiques ainsi que dans les agglomérations. Et après avoir évalué l'étape franchie, parce que cette société avait commencé avec le mois de juin, nous avons constaté qu'il y a des lacunes. Alors, nous avons reçu des orientations du cabinet civil du président de la République, du ministre de l'Intérieur. Nous avons tenu également une réunion avec son excellence le premier vice-président, avec son ministre, celui en sens de l'environnement, le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de l'Environnement. Ils nous ont recommandé de revoir comment organiser l'enlèvement, la gestion des ordures ménagers. Alors, nous avons lancé un appel d'offres ouvert où les gens qui étaient intéressés sont venus déposer. Nous avons, en fonction des termes de référence qu'ils avaient eu, nous avons dépouillé et nous avons retenu quelques sociétés qui vont s'occuper de la salubrité de l'enlèvement des immondices dans les ménages. Donc, c'est par zone, il y a des affectations qui ont été faites. Nous allons tenir une réunion avec ceux qui ont gagné, avec les administratifs à la base jusqu'au niveau communal, pour pouvoir discuter le démarrage pour que bientôt, à la fin de cette semaine, puissent commencer à travailler. Nous espérons alors que cette fois-là, l'enlèvement ou la gestion des immondices va se faire d'une façon plus professionnelle, étant donné qu'il y a un contrat qui dit le chef de ménage ainsi que la société, et dans les clauses, c'est bien marqué que le montant à payer et le nombre de tours qu'ils vont passer par habitation. Donc nous espérons, avec l'implication de la population, avec l'implication des médias, avec l'implication des élus, que tout va améliorer. Et à ceux-là qui s'interrogent sur le fait que les services techniques municipaux, cet ému ne se retrouve pas sur la liste de ces sociétés, le numéro 1 de la mairie a encore une fois indiqué que les cet ému ne sont plus capables de s'acquitter de cette tâche, faute de moyens. Freddy Bonima explique cependant que ces services ont d'autres missions à rendre, de rendre salubres certains coins de la capitale. Encore une fois, Freddy Bonima. Comme la salubrité en général comprend au moins trois zones d'intervention, il y a une zone publique, des espaces publics, des infrastructures routières. Il y a les zones qu'on peut appeler les zones d'agglomération comme les marchés. Il y a aussi l'enlèvement des ordures ménagères. Tout cela, en certains moments, on a constaté que les CTM ne suivaient pas. Souvenez-vous, au marché d'Ojave, au marché de Moussaga ou d'Okinama, il y avait une monticule des immondices parce que les engins ne suivaient pas, ils étaient dans les garages. On a été souvent obligés de faire recours au privé. Donc, les CTM, ce que maintenant vont faire, il y a le curage, il y a les infrastructures routières, il y a autre chose. Mais quand ça concerne les ordures ménagers, ils ont ce qu'on appelle une décharge officielle de Mouvonnet. Et chaque société va signer un contrat avec les CTMU et par mètre cube, le prix est de 1500. D'une façon ou d'une autre, les CTMU trouvent leur compte et nous espérons que les CTMU, leur avenir dépend de ce que la retraite gouvernementale a demandé de faire aux dites organisationnelles. Ils doivent être compétitifs comme les sociétés GETRA, comme Sojas Atom. Ce n'est pas seulement les déchets, mais la mairie lui donne aussi également des commandes, notamment sur le débouchage, sur les tuyaux qui sont souvent défectués. Nous avons un partenariat consistant. Nous pensons que les CTMO vont continuer à travailler avec la mairie. Mais en ce qui concerne les ordures ménagères, nous avons donné la priorité aux sociétés qui ont les moyens, qui peuvent le faire à la satisfaction de la population. Freddy Mbonima, c'est le maire de la ville de Bujumbura. Il est 13h08 sur Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Des inquiétudes ne manquent pas à l'association Observatoire de la sécurité routière en ce qui concerne l'utilisation des feux de signalisation dans la ville de Bujumbura ou le respect de ces feux. Abonima Ananikson, il est président de cette organisation. Il dit qu'il y a ceux qui violent inconsciemment ces feux de signalisation et il demande pour cela qu'il y ait des séances de sensibilisation de la population. Au niveau de l'Observatoire de la sécurité routière, dans votre jour où des inquiétudes, vous voyez, ce qui concerne par exemple les piétons, il y en a des analphabètes, il y en a aussi ceux qui violent la route ou bien ceux qui violent ces signalisations sciemment. Et c'est pourquoi nous vous disons que les coupables soient punis. Il s'agit d'une préoccupation qu'il ne faut pas négliger. Et aussi, je trouve que ça serait la façon la plus meilleure pour l'éducation et la sensibilisation sur l'utilisation de ces signaux routiers. J'aimerais aussi inviter la police et surtout celle en charge de la sécurité routière qu'elle soit vigilante parce que je trouve que cette police, des fois, je la compare à une police de complaisance qui ne travaille pas comme il faut parce que des fois, je trouve qu'il y en a certaines catégories d'usagers de la route qui sont exonérés à certaines infractions routières quand il s'agit de véhicules de la police ou bien de l'État ou bien d'autres regladés car ils sont en infraction, ils ne sont pas punis. Et là, ce n'est pas vraiment normal. Voilà, c'était le président de l'association Observatoire de la sécurité routière en ce qui concerne le respect des feux de signalisation routière. Et pour terminer ce journal, le budget alloué aux communes est utilisé de façon transparente. Selon Jeanne d'Arc Cagayo, ministre du Développement communal, le Fonds national d'investissement communal, FONIC, suit étroitement l'utilisation de ce budget pour éviter des malversations. Elle l'a dit ce mardi au moment où elle répondait aux questions orales des députés. Thierry Fayoukourera, reportage. Parmi les questions qui ont été au centre des préoccupations des députés, la question en rapport avec l'octroi des marchés publics est revenue en maître prise. Odette Abonimana a demandé une lumière sur ce point. Dans l'élaboration des projets et l'octroi des marchés communaux, le fonds FONIC et le service des marchés publics sont souvent cités et les administrateurs communaux se lamentent que les projets qu'ils proposent ne passent pas et que les marchés sont donnés de façon arbitraire. Janda Kagayo, la ministre du Développement communal, fait savoir que c'est aux communes que revient le droit d'octroi des marchés publics au niveau communal. Il est inconcevable de dire que la commune n'a pas les compétences de donner le marché alors que c'est elle qui signe le contrat avec le soumissionnaire gagnant. Je vous demanderai donc de sensibiliser les administrateurs communaux, de s'affirmer vu que la loi leur autorise cela. Les députés n'ont pas manqué de montrer leurs inquiétudes quant au début de certaines constructions et quant à leur durabilité. Moi, j'ai une question à poser, madame et la ministre. C'est les inquiétudes que j'ai en rapport avec les infrastructures qui sont en train d'être construites dans les différentes communes. Mais si on circule ici et là, on se demande la qualité de ces infrastructures. Et les autres communes et ne peuvent pas être construites comme les maisons d'habitation. À ce propos, la ministre dit que le facteur enclavement joue un rôle capital. Vous avez parlé de la surestimation des prix. Je peux vous assurer que dans le fonds FONIC, il y a un secteur chargé d'étudier tous les projets proposés par les communes et vous assurer que toutes les infrastructures, bien qu'identiques, ne peuvent pas coûter le même prix. Plusieurs facteurs entrent en jeu, dont l'enclavement par exemple. Janda Kagayo a demandé aux députés de revoir à la hausse l'enveloppe réservée aux communes pour que le développement du pays va de pair. Thierry Mfayokourera, stagiaire à notre station. Il est 13h14 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana, nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.